ma compagnie. Souvent me baise, des fois me baise, vite fait au coin du lit. Ça n'a pas le temps d'être joli. Ma compagnie prend la mer tous les samedis. Loin de moi, je l'aime, c'est bon. Il ne revient qu'avec l'odeur du poisson. Alors, je n'aurai jamais que ça. Ce monde eut le seul droit. Cet homme qui sans cesse me déçoit. Ma compagne ne fleure de ses lèvres que les vers qu'il vit de l'ivresse en colère. Des fois c'est le chaos, des fois le contraire. Ma compagne tourne en rond chez moi comme un requin autour de sa proie. J'ai jamais envie de le retrouver là. Alors je n'aurai jamais que ça. C'est mon double seul droit. Cet homme qui sans cesse me déçoit. Je veux divorcer, peut-être pas. Je veux que tu m'aimes mieux que ça. De solitude, d'histoire sans lendemain. Ta compagnie est un calvaire, mais tu es là. J'y crois, des fois pas.